Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, Haïti, les années bébé doc. Le 21 avril 1971, François Duvalier, président d'Haïti depuis 14 ans, meurt. C'est son fils, Jean-Claude, qui devient président comme en monarchie. Et comme si cela ne suffisait pas, il devient président à vie. Ainsi, de 1957 à 1986, pendant 29 ans, Haïti, l'un des pays les plus pauvres du monde, vit écrasé sous une dictature sanguinaire et délirante. Pour François Duvalier, surnommé Papa Doc, comme pour Jean-Claude, Bébé Doc, une seule chose compte, rester au pouvoir. Car être à la tête d'Haïti, c'est être assis sur un trésor. Bébé Doc, comme son père, pioche comme bon lui semble dans les caisses déjà maigres du pays et dirige un vaste système de corruption, assommant les Haïtiens par une propagande mégalomaniaque, sous le joug d'une terrible milice bande d'assassins surnommée les Tontons Macout et par les rites vaudous, Jean-Claude Duvalier, pilleur officiel d'Haïti, est installé pendant 15 ans sur le magot qu'il a hérité de son père et qu'il fait fructifier pour son entourage et pour lui-même jusqu'à sa chute. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Ève Rouper, auteure de l'histoire d'Haïti, la première république noire du Nouveau Monde et du dossier d'Haïti, un pays en péril. Elle écrit actuellement une biographie de la famille Duvalier pour les éditions Perra. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Chélius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Peuple à mais tu fais ton bateau. 7 février 1986, Haïti. La famine a recommencé à tuer. Les émeutes sont réprimées dans le sang par l'armée et par la milice. C'est la nuit et Port-au-Prince, la capitale assourdie le jour par les manifestations, est maintenant endormie. À minuit, un cortège de voitures traverse la ville à toute vitesse. Sa destination, l'aéroport François Duvalier. Dans ces voitures, les passagers ont peur. Et si des émeutiers les arrêtent? Ces fuyards, ce sont les proches du président Jean-Claude Duvalier et de sa femme, car maintenant, la peur a changé de camp. Dans la journée du 6 février, Duvalier a négocié avec les Américains une porte de sortie. Rendez-vous est donc donné le 7 février à 1h du matin sur la piste de l'aéroport. Là, les attend un C-141 Starlifter, un avion dépêché par l'US Air Force. À 1h, comme prévu, le clan est devant l'avion. Les ambassadeurs français et américains sont là, eux aussi, avec le gouvernement d'Haïti au complet. Les quelques bagages sont embarqués, mais le gros du déménagement est parti dans un avion cargo plus tôt dans la soirée. Des valises entières de bijoux, de billets de banque, de tableaux, mais aussi la BMW préférée de Jean-Claude Duvalier. L'avion est prêt, mais il manque deux passagers, et pas des moindres, le président et sa femme. Il a dû leur arriver quelque chose. À 2h, le couple n'est toujours pas là. Il va falloir interrompre l'opération d'exfiltration. À 3h, toujours aucune nouvelle. Mais une demi-heure plus tard, des jeeps et des camions militaires entrent avec fracas dans l'aéroport. Ils escortent une BMW. Au volant, Jean-Claude Duvalier. À sa droite, sa femme. « Nous ne pouvions quand même pas partir comme des voleurs », explique le potentat déchu. « Nous avons donc vidé quelques bouteilles de champagne au palais présidentiel. » À 3h46, le Starlifter s'envole enfin. Jean-Claude Duvalier n'est plus président d'Haïti. C'est la fin d'une dictature dynastique entamée par son père 29 ans auparavant, en 1957. L'homme chachot le ciel, là, moi pas ouais ou. Piquet, dolé, ou pas ouais, ma pomfalu. On chantait cela pendant l'esclavage. On baptisait le nègre à coups de bâton au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et alors les nègres ont commencé des révoltes sporadiques avec des répressions terribles. C'était la guerre totale à outrance. Le mot d'ordre était coupé tête pour les cailles. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit à faire rayo. Grenadier à l'assaut, ça qui mourit à faire rayo. Grenadier à l'assaut, tant pis pour ceux qui meurent. Et on a continué jusqu'à la victoire finale. Ainsi est né le premier état nègre du monde. 22 octobre 1957, 153 ans après l'indépendance d'Haïti, la geste héroïque de Toussaint Louverture et l'avènement de la première république noire et libre de l'histoire, voilà le pays revenu à l'âge des ténèbres. Dans ce petit état qui partage son île à l'est de Cuba avec la République dominicaine, c'est l'élection présidentielle. La fierté haïtienne, sa négritude, est portée par l'un des candidats. Un petit homme entièrement vêtu de noir, coiffé d'un chapeau noir également, tout comme sa peau. Il porte des lunettes noires encore et arbore toujours un grand sourire. Son nom, François Duvalier. Il est médecin et apprécié des Haïtiens. Il les a rencontrés dans ses campagnes contre la malaria et le typhus. D'où son surnom, Papadoc. Il devient le nouveau président d'Haïti. L'espoir renaît chez les Noirs. 90% des Haïtiens, rappelons-le. L'un des leurs est au pouvoir. Enfin, ils seront libérés de la misère et de la domination des mulâtres. Ces Haïtiens métis qui contrôlent le pays et qui n'ont plus qu'à parier sur le nombre de semaines avant que Papadoc ne soit renversé. Oui, mais ces espoirs sont vite contrariés. La présidence de Duvalier ne durera pas qu'un temps. Elle durera même 14 ans. Et jamais les Noirs d'Haïti n'auront été aussi maltraités, malgré les dénégations d'intéressés qui répond ici à une interview de l'ORTF en 1963. Aujourd'hui, dans son palais, le président Duvalier nous reçoit. Avec tout l'apparat qui sied à ses hautes fonctions, il s'installe et nous parle. Mon gouvernement constitutionnel est né d'une révolution. La révolution des classes moyennes et des masses urbaines et rurales, aspirant à accéder à plus de dignité de leur être et à plus de lumière. Produit authentique des masses et de leur révolution, j'ai accédé au pouvoir de par leur volonté souveraine. J'ai pour devoir de les défendre de toute mon âme. Les défendre ou se défendre? Papadoc, c'est qu'en Haïti, garder le pouvoir est une lutte quotidienne. Dans le palais présidentiel, dès son élection, il se barricade avec des mitrailleuses et des chars. Car la menace, c'est l'armée. Elle veut prendre le pouvoir. Alors, il faut l'empêcher de nuire. Le premier pilier du pouvoir de Duvalier, c'est la négritude. Le deuxième, c'est une milice. Créée en 1958, les volontaires de la sécurité nationale sont plus connus sous le nom de Tonton Macoute. En voici un spécimen, un commandant. Ce qu'on appelait autrefois, il y avait une petite rancune, entre les blancs et les noirs. C'est fini maintenant. On n'a plus ça. Nous avons la paix, l'union dans la famille. Vous voyez, plus de problème. Mais s'il y a quelque chose, on peut combattre. Vous êtes toujours prêt? Toujours prêt. De toute façon. Toujours prêt. Et vous êtes armé? Armé, oui, jusqu'aux dents. Donc il y a des exercices de tir aussi? Nous avons des armes d'Israël, le Uzi, qu'on appelle Uzi. Nous avons le M14 et M16. Pas d'armes belges? Oh oui, nous avons des armes belges, le 7 mm 62. Et est-ce qu'il n'y a pas non plus des unités avec des machettes, là, non? Oh oui, certainement, nous avons beaucoup. Alors notre devise pour les VSN, ce que vous appelez les Tonton Macoute, c'est couper tête, brûler les cailles. Ça veut dire? Couper les têtes, brûler les cailles, brûler les maisons. Peut-être Blekaï, ces miliciens ont la même devise que la révolte des esclaves haïtiens, mais ces miliciens, les tontons Macoute, croque-mitaines en créole, avec leurs bleus de chauffe et leurs lunettes de soleil armées de fusils et de machettes, font régner la terreur. Ils pillent les haïtiens. À la moindre contestation, ils incendient les villages, torturent, violent, tuent. On parle de 30 000 disparus pendant toutes les années du Valier, et c'est bien l'œuvre de cette milice. Elle compte 10 000 membres en 1964, 7 ans après l'élection de Papadoc. Et c'est avec elle qu'il contrôle le pays. Les opposants sont éliminés, 200 000 d'entre eux sont exilés, la presse d'opposition est détruite. Duvalier lui-même ne se sépare pas de sa mitraillette et commande personnellement les pelotons d'exécution. Quant aux rares opposants restés en Haïti, ils sont obligés de brouiller leur voix. Duvalier a plongé le pays dans l'angoisse, la terreur et le deuil. Nous avons calculé qu'il a déjà fait assassiner plus de 4000 personnes. Au nombre de ses victimes se trouvent les noms les plus connus du pays. Mais c'est cependant dans les rangs des pauvres, des anonymes, des paysans et des ouvriers que les ravages ont été les plus féroces. Dans les campagnes et les bas-quartiers de la ville, le tonton Macoute fait impunément ce qu'il veut, emprisonne, assassine, torture et demeure impuni. Et c'est encore hier que nous avons vécu le déchaînement de la barbarie de Duvalier avec l'assassinat de toute la famille Benoît, grand-mère, grand-père, domestique et visiteur, et l'incendie de leur maison sous le simple soupçon infondé que l'officier Benoît était l'auteur de l'attentat des enfants du président. Les impôts excessifs, les écrasantes contributions forcées, les détournements de fonds publics ont aidé à la désagrégation économique, au renforcement du chômage et de la misère. 15 nouveaux francs de revenus mensuels pour la grande masse. De surcroît, le gouvernement ne fait pas reculer la misère en Haïti. Et pour cause. Pour François Duvalier, l'objectif est tout autre, garder le pouvoir. Et cela coûte de l'argent. Et de l'argent, il y en a dans les caisses de l'État. Elles sont maigres, ces caisses. Certes, le budget est d'à peine 30 millions de dollars par an. Mais chaque année, la moitié de ce petit trésor est détournée dans les poches de Papadoc, de sa famille et de ses proches. Pour s'assurer que ses voisins américains ne s'opposent pas à lui, il persécute les communistes. Les États-Unis lui accordent un soutien discret, mais efficace. Une position résumée par Robert McNamara, secrétaire à la Défense, tout en élégance. « Nous ne nous occupons pas d'Haïti car ce pays est une porcherie. » Et dans cette porcherie, Papadoc est roi, enfin, président en vie, à partir de 1964, ce qui revient à peu près au même. Voilà, François Duvalier est tout puissant dans un pays dont il ne connaît, parfaitement les ressorts, un pays qui repose sur une religion importée par les esclaves d'Afrique. Haïti, pour nous, c'est, en France, c'est le vaudou avant tout. Est-ce que ça existe, le vaudou? Ah oui, ça existe, ça existe. Je crois que Haïti sans vaudou n'est plus Haïti. Il y a des sorciers dans la campagne? Ah oui, oui. Il y a des gens qui peuvent vous aider d'avoir ce que vous voulez, si c'est bien. Les sorciers noirs, c'est pas mon genre, je ne les connais pas. Vous n'avez jamais fait appel aux sorciers? Non, surtout pas noir. Oh, quelquefois, je dis à mes voisins qui sont les sorciers, les ungans, je dis, oh, tiens, je voudrais avoir encore des touristes ce soir. Alors, ils font leurs petites affaires et quelquefois, les touristes viennent. Des ongans dont parle la danseuse Catherine Dunham, ce sont les prêtres vaudous, les intermédiaires entre les hommes et les loa, comprenez, les divinités. Ces loa s'appellent Papalegba, bas en cimetière ou Grande Brigitte. Au-dessus d'eux, le grand maître domine le monde. En Haïti, tout est prétexte à questionner le ongan au rythme de tambours et de chants rituels. Le vaudou est le ciment de la société et les Haïtiens le craignent. C'est cette crainte que Papadoc exploite, car il est, dit-il, le plus puissant des ongans. Il ressemble d'ailleurs à Baron Samedi, l'un des dieux de la mort, à qui l'on demande de tuer un ennemi ou de transformer en zombie. Vous savez, cet être qui marche, qui mange, qui dort, mais dont l'esprit a quitté le corps. La mort du président Kennedy, par exemple, Papadoc lui a jeté un sort. Un ennemi récalcitrant, il l'a métamorphosé en coq. Il sera même à la tête d'une armée de zombies. Et il a aussi le don d'ubiquité. Il est immortel. Il faut comprendre que les Haïtiens sont maintenus dans un tel sous-développement que bon nombre d'entre eux croient à ses pouvoirs. D'autant que Duvalier orchestre un culte de la personnalité délirant. Il ne faut pas l'appeler Monsieur le Président à vie. Non, son titre officiel, c'est, en toute simplicité, protecteur du peuple, chef suprême de la révolution, apôtre de l'unité nationale, leader du tiers-monde, grand patron du commerce et de l'industrie, bienfaiteur des pauvres, électrificateur des âmes, espérance suprême de l'orgueil national haïtien et réparateur de nos fautes. Dans tout Haïti, il diffuse la brochure suivante, Un autre père revisité. Notre doc qui êtes au palais à vie, béni soit votre nom par les générations présentes et futures. Que votre volonté soit faite à Port-au-Prince comme en province. Donnez-nous ce jour un pays neuf et ne pardonnez jamais les offenses des ennemis de la patrie qui crachent chaque jour à la face de notre pays. Laissez-les succomber à la tentation et, sous le poids de leur venin, ne les délivrez pas du mal. Amen. Et pourtant, en janvier 71, l'immortel Papadoc est diabétique et subit son deuxième infarctus. Il avait donc un cœur. Première nouvelle. Maintenant, il faut penser à la succession. Oh, penser est un grand mot. Ce sera son fils, tout simplement. Un certain Jean-Claude, 19 ans. Ce choix doit être soumis au référendum. Suspense. Le candidat recueille 2 391 916 voix contre 0. 100% des suffrages. 100 comme le sang. sang royal au palais, sang du peuple dans la rue. 3 mois plus tard, le 21 avril 1971, François Duvalier expire. Jean-Claude, du même nom, arrive donc au pouvoir. Son père, c'était papa. Lui sera bébé. Un gros bébé qui pèse 120 kilos, affreusement timide et souffrant de problèmes d'élocution. Le voilà qui s'enferme dans sa chambre avec du whisky parce qu'il ne veut pas devenir président à vie. Pensez donc. Ses passions, ce sont les voitures, les motos, même si elles sont difficiles à conduire dans un pays où il n'y a que 80 kilomètres de route carrossable. Sa mère réussit tout de même à le convaincre. Peut-être lui fait-elle miroiter les avantages financiers de la fonction. Papa Doc est enterré le 24 avril 1971. Le cercueil sort du palais présidentiel, une bourrasque provoque un mouvement de foule, c'est l'esprit du défunt qui s'exprime. Jusqu'au mausolée, la dépouille à 500 000 dollars est protégée par les tontons Macoutes. On raconte même que des gardes s'enfuient, craignant que Papa Doc ne sorte de sa bière en zombie, car les Ongans n'aiment pas être enterrés, dit-on. Les années Jean-Claude sont donc terminées. Mais ce qui vient n'est pas mieux. François Duvalier a fait d'Haïti un laboratoire du sous-développement. Rien pour les écoles, rien pour les hôpitaux. Le revenu annuel moyen a même baissé de 80 dollars en 63. Il est passé à 74 en 1970. Les routes sont inexistantes, la puanteur envahit les villes. Seuls les comptes en banque des Duvalier se portent bien. Mon père a fait la révolution politique, dit Bébé Doc. Moi, je ferai la révolution économique. Jean-Claude Duvalier, président à vie, non demain. Pour le pays, ce matin en avant. Duvalier, président à vie, non demain. Pour le pays, ce matin le progrès. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays sera sauvé. Avec Jean-Claude Duvalier, économie. Duvalier, président à vie, non demain. Pour le pays, ce matin en avant. Duvalier, président à vie, non demain. Pour le pays, majeur le progrès. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays sera sauvé. Avec Jean-Claude Duvalier, le pays de majeur en avant. Et si Bébé Doc sauvait le pays? En 1971, Haïti est en détresse. L'espérance de vie est de 47 ans. Un enfant sur deux meurt avant 5 ans. Il y a un médecin pour 15 000 habitants et malgré tout, la population augmente. Mais les ministres de Duvalier-Fils ont déjà amassé une fortune telle qu'ils peuvent commencer à s'occuper des Haïtiens. Et Bébé Doc donne des gages. Les branches les plus violentes des Macoutes sont dissoutes, la presse d'opposition est tolérée, le salaire minimal est fixé à 1,20 $ par jour, et le 13e mois est généralisé. Miracle, les investisseurs étrangers reviennent en Haïti. On fabrique des sous-vêtements, de l'électronique, le pays devient même le premier producteur de balles de baseball. Bébé Doc pencherait-il pour le développement, voire la démocratie ? Le problème le plus important est d'Haïti, il s'agit de la formation et la mentalité, en somme, de l'Haïtien qui est à refaire. Bien entendu, cela prend un certain temps, parce que refaire la mentalité de tout un peuple, c'est pas une tâche facile. Donc j'espère d'ici 10 à 15 ans, y parvenir dans une certaine mesure. C'est ce qu'on appelle un vœu pieux ou un mensonge, comme vous voulez, car pour Jean-Claude Duvalier, changer la mentalité des Haïtiens est accessoire. Les mauvaises méthodes, l'ère Papa Doc, n'ont pas été abandonnées, au contraire. Le pillage du pays par son président s'intensifie. Papa Doc ayant privé Haïti de toute opposition politique, le fiston a les mains libres et il les plonge dans la caisse. Sur chaque sac de farine, il taxe 93 centimes, de même pour le sucre et le ciment. Profit annuel, 2,5 millions de dollars. Il prélève également dans les salaires des fonctionnaires, pourquoi gêner? Il a également accès aux caisses du Trésor public et de la Banque d'Haïti. Il pioche jusqu'à 700 000 dollars par mois. Pire encore, Haïti envoie 15 000 hommes par an en République dominicaine pour la récolte de la canne à sucre dans des conditions de quasi-esclavage. Le gouvernement haïtien reçoit ainsi 800 dollars par travailleur. C'est l'armée haïtienne qui les envoie de force. Et cela rapporte 12 millions par an à l'État et donc à Bébé Doc, car l'État, c'est lui. Le salaire de Jean-Claude Duvalier est officiellement de 2 000 dollars par mois, soit plus de 200 fois le revenu moyen. En réalité, près de 2,5 millions sont transférés chaque mois sur ses comptes, soit plus de 250 000 fois le revenu moyen. Pour la seule année 1975, 45 millions de dollars sont détournés par le clan Duvalier sur un budget national de 200 millions. Aux antipodes de la société haïtienne vivent donc confortablement quelques 200 millionnaires autour de Bébé Doc. Avec cet argent, le président s'achète une villa au Luxembourg, une Rolls, 3 Mercedes, 2 BMW, une Maserati, 2 Range Rover et 10 propriétés en Haïti. En 1977, il achète aussi un yacht, le Niki. La même année pourtant, la famine sévit épouvantable. En juin, l'aide internationale distribue de la nourriture à 950 000 personnes. Les Canadiens parlent de 20 000 morts. Les chiffres officiels, eux, plafonnent à 200. Dieu, notre Père, écoute la voix de ton peuple qui appelle. Nous ne savons de quel côté nous tourner. La vie nous malmène trop. Il n'y a plus de travail pour nous. Trop de souffrances infligées par les puissants. Seigneur, écoute la voix du peuple haïtien comme tu as écouté la voix du peuple d'Israël. La misère nous écrase. Le monde se mobilise pour Haïti. Les États-Unis, la France, le Canada, la Chine, l'Allemagne envoient des médicaments, des céréales, des semences. Les Nations Unies luttent contre l'érosion des sols. L'OMS se consacre à l'éradication du paludisme. La France, elle, construit une route, des écoles et injecte 70 millions de dollars. Les aides dépassent largement le budget d'Haïti. En 1980, 400 000 Haïtiens ont émigré en République dominicaine, 25 000 aux Bahamas, 200 000 aux États-Unis, au Canada, au Venezuela, en Afrique, sur des bateaux de fortune. Sur les 6,5 millions d'Haïtiens, 1,5 million est parti. Ils ont fui l'enfer. Or, en 1980, Bébé Doc a l'esprit occupé par autre chose. Moins de 48 heures avant l'heureux événement. Mais les heures passeront vite. Et lorsque les dernières lueurs du jour s'évanouiront ce 27 mai, ce sera le commencement d'une expérience enrichissante pour les époux Jean-Claude Duvalier. Et pour le peuple, le sommet d'un mois de festivités. On dira alors, ainsi le peuple haïtien s'est témoigné de son admiration et de son attachement à son leader vénéré. L'heureux événement, c'est donc le mariage de Bébé Doc. Il est tombé amoureux d'une belle mulâtre. Elle s'appelle Michelle Bennett et n'a pas hésité longtemps à quitter son mari pour devenir première dame. Le 27 mai 1980, en la cathédrale de Port-au-Prince, est célébrée l'union présidentielle. 5 000 invités, des cadeaux pour tous, des fleurs importées du monde entier. En tout, 3 millions de dollars dépensés par Jean-Claude Duvalier, donc par l'État. Arrivée au palais, Michelle Bennett, elle aussi, veut profiter du trésor. Alors que le pays s'effondre, elle en accélère le pillage. Elle décore le palais, 4,5 millions de dollars. Elle aime les fleurs, 25 000 dollars par mois. Elle aime les manteaux en vison, également. Le climat est tropical, mais peu importe. Elle en a tout de même 14. Enfin, les prélèvements de la caisse de la Banque d'Haïti servent officiellement à financer des œuvres humanitaires. En réalité, l'argent est directement transféré sur le compte en banque personnel de Madame la Première Dame. Certains membres du clan Duvalier trempent dans le trafic de stupéfiants, d'autres dans la vente de cadavres haïtiens aux universités américaines. Au peuple, il ne reste que l'espoir de la loterie nationale, la borlette. On s'endort pauvre, on se réveille riche avec la borlette, dit le slogan. 20% des recettes reviennent à la présidence. La fortune des Duvalier, répartie dans près de 300 banques, pourrait atteindre 900 millions de dollars. Quand les princes du port gardent en main le sort, amis, des milliers d'exilés mal du pays, quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi, tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami. Le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves à chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criaient dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. En 1981, malgré l'aide internationale, les Haïtiens ne vont pas mieux. La peste porcine les a obligés à abattre leur cheptel. Et le sida apparaît. La maladie des 4 H, comme on l'appelait, homosexuel, hémophile, héroïnomane, haïtien. Le gouvernement, lui, peine à distribuer l'aide. L'administration est inexistante. L'armée et les tontons à coude font main basse sur les colis et les revendent au marché noir. Quant au clan Duvalier, il se sert copieusement, bien sûr, et par habitude. En décembre 80, sur les 22 millions que le FMI envoie, 20 disparaissent. 80% de l'aide financière auront ainsi été détournées par le clan Duvalier. Alors, en mars 1983, c'est le pape lui-même, Jean-Paul II, qui en visite à Haïti, rappelle le gouvernement Duvalier à l'ordre. Il faut bien en effet que les choses changent. L'Église a eu le courage de regarder en face les dures réalités actuelles, l'injustice, l'inégalité excessive, la dégradation de la qualité de la vie, la misère, la faim. Il y a certainement un profond besoin de justice, d'une meilleure distribution des biens, une conception plus désintéressée du service de tous chez ceux qui ont des responsabilités. Devant une foule de 200 000 personnes à l'aéroport François Duvalier, Jean-Paul II baise le sol d'Haïti. Il faut que les choses changent, déclare-t-il d'emblée. Dans le viseur du pape, la corruption d'État haïtien. Il n'est pas le seul à dénoncer ces graves dysfonctionnements, car c'est toute la communauté internationale qui demande des changements en Haïti, le FMI, la Banque mondiale, les États donateurs et les ONG. Si Haïti veut continuer à recevoir des aides, Bébé Doc doit assainir l'État et ses finances. Mais la corruption, c'est le principe de fonctionnement des Duvaliers, leur raison d'être. Mettre fin à la corruption, c'est mettre fin au système Bébé Doc. Et le gouvernement est incapable d'aller dans ce sens. En mai 84, en Haïti, la colère et la faim grondent. Au large de l'Amérique centrale, en Haïti, 3 morts ces jours derniers. 3 morts parmi des manifestants qui avaient faim. Patricia Coste. C'est dans ces bidonvilles de la seconde ville d'Haïti, le pays le plus pauvre d'Amérique, que la violence a flambé hier. Les habitants ont tenté de piller le dépôt de vivres d'un organisme humanitaire. L'armée a tiré dans la foule qui s'est retirée, laissant 3 morts sur le terrain. Révolte ponctuelle, spontanée semble-t-il, calmée immédiatement par le préfet de la ville qui a promis une distribution de vivres. À Haïti, les explosions de colère sont rares, malgré l'extrême pauvreté, car les tontons Macoute, police du président Duvalier, veillent. mais à Cap Haïtien hier. Comme au Gonaïves la semaine dernière, la colère monte. Le pays s'embrase et Bébé Doc applique les mêmes recettes, l'argent. Au Gonaïves et à Jérémy, à l'ouest, chaque habitant est invité à retirer $1 dans les locaux municipaux. Bébé Doc les autorise même à pratiquer la contrebande. A-t-on déjà vu un président de la République encourager la délinquance ? À chacun de ses déplacements en voiture, la foule s'agglutine et court à sa poursuite. De l'intérieur, Bébé Doc baisse ses vitres teintées et jette des poignées de billets et de pièces. Voilà la solution au problème d'Haïti, selon Jean-Claude Duvalier. Erreur, bien sûr. Le peuple haïtien, anesthésié depuis plus de 25 ans par le désespoir, perçoit une possibilité de changement. La dictature vacille. En février 85, les jeunes défilent à Port-au-Prince. Oh, ils ne sont pas nombreux, 1000, tout au plus. Mais c'est la plus grande manifestation depuis 30 ans. « Vive la liberté », écrit-il, « à bas la misère » et même « à bas Bébé Doc ». Oui, pour la première fois depuis 1957, les Haïtiens osent le dire publiquement, le problème, c'est les Duvaliers. Sous la protection de l'Église, l'opposition s'organise avec un relais sur les ondes, Radio Soleil, chambre d'écho puissante des émeutes et des revendications du peuple, autrement dit, des élections et la fin de la présidence à vie. Nous sommes fin 85. Bébé Doc est pressé de toutes parts. Il accepte les élections législatives et il soumet sa présidence au référendum. Une mascarade de plus, 99,98% des suffrages, élections trafiquées, évidemment. Les remaniements au sein de la police politique et dans l'armée n'ont pas suffi à désamorcer les manifestations qui éclatent à Haïti depuis une semaine. Les manifestants qui défilent au cri de « Duvalier, dehors !» sont poussés par la faim. 6 dépôts de nourriture appartenant à l'aide internationale ont été pillés, tandis que les meneurs dénonçaient la corruption du pouvoir, le vol des caisses publiques et les comptes en Suisse, alors qu'ici, la misère est partout, on se bat pour de la farine. Le bilan officieux des manifestations est de 6 morts. Ces démonstrations dirigées contre la famille Duvalier sont les plus importantes jamais enregistrées depuis sa prise de pouvoir en 1957. Les rumeurs indiquent que Baby Doc serait sur le chemin de l'exil. Un communiqué officiel indique, lui, que Haïti vient d'être placé sous la loi martiale. L'état de siège est instauré pour 30 jours. Le 31 janvier, amaigri, Baby Doc déclare l'état de siège. Il ne contrôle plus son pays. Ce ne sont pas 6 morts qu'on compte, comme le dit Antenne 2, mais plus de 50. Même ces tontons macoutes ont peur des émeutes et se dispersent. Et voilà que son grand allié, les États-Unis, le lâche. Reagan ne voit plus en Duvalier le rempart aux communistes. L'ambassadeur américain se rend au palais présidentiel, il faut que Bébé Doc s'en aille. Nous sommes en février. Dans une poignée de jours, ce sera le début du carnaval. Et il y a toutes les chances pour que la fête finisse en bain de sang si Duvalier est encore au pouvoir. Sa vie et celle des hommes de son clan est menacée. Alors, c'est décidé. Un avion de l'US Air Force emmènera le président et ses proches loin d'Haïti le 7 février à 1h. Enfin, à 3h46 finalement. Bonsoir, c'était un président à vie, ce n'est plus qu'un ex-chef de l'État en exil. Jean-Claude Duvalier a transmis la destinée du pays aux mains des militaires, c'est ainsi qu'il a annoncé sa décision au peuple haïtien dans un message enregistré avant son départ de Port-au-Prince. Le président à vie Jean-Claude Duvalier, sous la pression américaine, a donc abandonné le pouvoir. Il a quitté Haïti à 9h30 heure française à bord d'un C-141 de l'armée de l'air américaine. L'avion a pris la direction de Porto Rico pour une escale technique, puis direction la France via les Açores. L'appareil est attendu à 21h35 à Grenoble. À Grenoble, oui, Bébé Doc atterrit en France. Les États-Unis ont bien voulu l'exfiltrer, mais pas l'accueillir. L'avion se pose à 21h15, officiellement pour éviter une guerre civile et pour que le fuyard ait le temps de trouver un pays d'accueil définitif. Son séjour en France devait durer 15 jours, il durera 25 ans. Incapable de trouver un pays d'accueil au dictateur, la France subira sa présence jusqu'en 2011. En Haïti, en revanche, c'est la liesse. Le peuple crie vengeance. Et les premières victimes, ce sont les tontons macoutes. Leurs maisons sont incendiées, on lapide les monstres, d'autres sont brûlés vifs. Dans le cimetière de Port-au-Prince, le mausolée à $500 000 de Papa Doc est détruit, son cercueil est profané. La foule danse dessus en chantant frénétiquement « Les tontons macoutes, ils mangent du caca », je cite. Le corps de François Duvalier est sorti. Il est battu par la foule comme dans un rituel vaudou. La violence d'État entraîne la violence tout court. En novembre 87, des élections générales sont organisées, mais sont annulées après des tirs de militaires et d'anciens tontons d'accoude sur des dizaines de civils le jour du vote. Elles sont suivies par des élections en janvier 88 qui voient Leslie Maniga et son rassemblement des démocrates nationaux progressistes l'emporter. Mais le gouvernement est renversé en juin par un coup d'état militaire mené par le général Namfi, qui est lui-même démis du pouvoir par un second coup d'état militaire en septembre, mené cette fois par le général Prosper Avril. 31 ans plus tard, en novembre 2016, Jovenel Moïse remporte l'élection présidentielle avec 54% des voix. C'est le président actuel. Haïti n'en a pas fini avec l'instabilité politique. Moi t'as remé qu'on est, date et jour m'a mouri. Yeah, sous t'es 24 heures temps pour vivre. Et puis nous qu'on t'a pas mouri. 24 heures temps. Qui soit à faire? Yo, si t'es 24 heures temps pour vivre, moi t'as pas checké mamie. Dis-lui t'es fait un bon travail avec premier petit lit. Les autres les volaient, assassins, ils pas jamais la guerre, ils étaient toujours kébé. Bol sous fond tête li, après ça prend la rue. 2h30, relé Gérald Duplessis, vin chercher, déposer, camadan moi, gade j'en habillé bien fait. Li dit oui, clef en allemand, j'ai dans tap tap, moi dis moi pas cap, passe demain, moi pas bla. Moi seulement vin remercier à tout cœur, passe bagay, moi t'es fort passé ou pas, même t'es doué rete avec. Ou c'est yon belle fille, ou pas besoin crier, depuis où est malé, ou m'être. Moi t'as remé qu'on est, dans tes jours m'a mouri. Sous tes guébés, t'as fait ton compris. Est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé, est-ce qu'on t'a crié, Dio, râlé, râlé, râlé, Dio, râlé, râlé. Sous tes guébés, t'as fait ton compris. Est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé, est-ce qu'on t'a crié, Dio. Après ça, moi sorti dans le calan, moi entré dans la machine. Pick up cellulaire à Colti Fouem, non. Allo, parello, à marcher dans la rue, si veillez yo. Yo gen un pile jalousie, même nèg ouè k'ap touye moun pou mou. C'est même nèg yo k'ap mete zam sou. Parel di frè non Samuel, c'est lui même qui bosse. Mwen tande li di pou l'dormi, après l'te fè yon divorce. Mais bon j'ai pas le force quand coup Samson, mais si vé femme qui vient en démon sans protection. Et pas oublier protéger au sawon, moi gagne un zam en bas matelas, côté bible. Et n'est pas demandé qui est-ce qui au sawon. Moi gagne des sens, c'est lui-même qui bébé. L'autre l'an li plus grand, y'aurait l'aile melki. Depuis li piti la poumé à garçon à fille. De pour dérespecter famille, ou à bal raison. Pour li piquer ou li paquet s'il prend prison. Mais dis cousin Brunel, contrôlez yo. Parce que si y'est pas ça, y'a tout y'a. Et dit qui fila Ja Raymond, Junior Joshua, yo pa mafia. Moi ta reme koné, da te jou m'ap mouri. Sou te gebe ta te ta koumi. Est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé, est-ce qu'on t'a crié, Dio, râlé, râlé, râlé, Dio, râlé, râlé. Sou te gebe ta te ta koumi. Est-ce qu'on t'a chanté, est-ce qu'on t'a dansé, est-ce qu'on t'a crié, Dio, râlé, râlé, râlé, Dio, râlé. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, papa et bébé doc des pouvoirs ubuesques en Haïti, dont nous allons parler avec notre invitée Catherine Ève Roupert. Bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de l'histoire d'Haïti, la première république noire du Nouveau Monde, et du dossier d'Haïti, un pays en péril, et vous écrivez actuellement une bio de la famille Duvalier pour les éditions Perrin. Vous confirmez? Oui, je confirme. Effectivement, je suis en train de raconter une histoire des Duvalier, de Papa Doc à Baby Doc. Ça va devenir utile puisque le troisième des Duvalier, François-Nicolas Duvalier, le fils de Jean-Claude Duvalier, est en train de se préparer à se présenter à la présidence, à la future candidature à la présidence. Avec des chances de succès, qu'est-ce qu'on peut en dire? Ah, écoutez, dans ce pays, l'impossible est impossible et le possible impossible. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je disais, c'est une dictature ubuesque, hein, avec un culte de la personnalité, on pique dans la caisse, enfin, il n'y a pas d'état de droit, c'est-à-dire que l'état haïtien n'est pas capable de mettre en place un état de droit, parce que ceux qui sont à la tête de cet état ne veulent pas d'état de droit, justement, ils veulent pouvoir piquer dans la caisse tranquillement. Les Haïtiens s'en souviennent quand même, ça a laissé des traces, et les tontons Macoute, et la pauvreté, la répression. Comment un troisième Duvalier, je n'ai pas fini de me tromper avec les prénoms, hein, s'il y en a un troisième, comment un troisième Duvalier peut-il être accepté par ce peuple qui a tant souffert? Mais vous savez, quand on n'a pas fait quand on n'a pas fait face à son histoire, on est destiné à recommencer éternellement. Mmh. Et c'est exactement ce qui se passe en Haïti. Vous savez, quand les Haïtiens vous parlent de leur histoire, ils parlent d'abord d'une histoire lointaine, le moment de l'indépendance, et pas de l'histoire récente. Et ils ne s'attardent que sur certains hauts faits, et c'est tout. Mais c'est tout ça l'ouverture, quoi. C'est Toussaint Louverture, c'est Jean-Jacques Dessalines d'ailleurs. Ah oui, Jean-Jacques Dessalines d'ailleurs, c'est très curieux parce que Toussaint Louverture est celui qui a l'esclave. Enfin, il n'était plus esclave, mais c'est lui qui a fédéré la révolte des esclaves. C'est lui qui a conduit toute la lutte contre les armées de Bonaparte, qui a jeté les armées de Bonaparte à la mer, ce qui n'est quand même pas rien, hein, même s'il a été bien aidé par la fièvre jaune. Celui qui a prononcé l'indépendance, c'est Jean-Jacques Dessalines. Jean-Jacques Dessalines a été araigné pendant 2 ans et il a été assassiné par ses proches, tellement il était d'une cruauté atroce et effroyable. Et pourtant, c'est Jean-Jacques Dessalines qui est l'homme représentant la fierté des Haïtiens. Je trouve que ça en dit long. Bien sûr. Et on va revenir au Duvalier, et donc son accueil en France. D'abord, pourquoi arrive-t-il en France et pourquoi y reste-t-il si longtemps ? Alors, pourquoi arrive-t-il en France ? Il y a eu une sorte de quiproquo, et là, les Américains n'ont pas été très élégants. Mais on peut comprendre leur position. Il y avait une entente entre les Américains et le gouvernement français, Laurent Fabius. Par mesure humanitaire, nous prenions les Duvaliers pendant 10 jours. Et les Américains venaient les rechercher pour les accueillir aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup de Haïtiens aux États-Unis. Le problème, c'est que les États-Unis sont aperçus qu'il y avait près de 7000 ressortissants haïtiens. 7000 ressortissants américains en Haïti. Donc, qui étaient menacés. Par ailleurs, aucun État américain n'a accepté de recevoir Duvalier. Et puis, le gouvernement américain s'est aperçu qu'il allait falloir assurer la sécurité des Duvaliers. Ça avait un coût. Donc, finalement, ils sont pas venus rechercher les Duvaliers à Grenoble. Et Laurent Fabius s'est retrouvé avec le fardeau. Hein. Oui. Alors, ils se sont installés pendant 4 semaines sur les bords du lac d'Annecy, à un très bel hôtel, l'abbaye de Talloire. C'était juste à côté de la Suisse. C'était ça pratique. Tombe bien, ah, oui. Pour les comptes en banque. Ah oui, c'est amusant d'ailleurs, parce que à l'abbaye de Talloire, ils m'ont raconté qu'il a fallu une suite pour héberger l'intégralité des valises. Alors, les valises, il a fallu les vider et on les a vidés du côté de la Suisse. Hein. Donc, il y a eu tout cet aspect-là. Ils sont restés 4 semaines et puis ensuite, eh bien, ils ont loué une villa sur les Hauts-de-Cannes et ils ont commencé une vie quand même très agréable. Alors, pas inquiété néanmoins, hein, parce que le gouvernement haïtien, sitôt leur départ, a fait une investigation sur le système de corruption et de rapine extrêmement sophistiqué qu'avait mis en place Papadoc et que Jean-Claude Duvalier s'est juste contenté de faire fonctionner au turbo, hein. Ce système très sophistiqué, il a fallu le comprendre, il a fallu retrouver des pièces. Et ça, c'est le tout premier rapport sur les finances de Duvalier. C'est dû à la Banque Nationale d'Haïti, c'est le rapport Saint-Fleur, de François Saint-Fleur. Au terme de ce rapport, et puis aussi avec les investigations faites par l'ONG Transparency International, le gouvernement haïtien a revendiqué de la part des Duvaliers exprimé au gouvernement français, c'était peut-être ça l'erreur, 120 millions de dollars de restitution. Hein. Et en fait, la Cour de cassation en France finalement s'est prononcée en 1990 en disant que le gouvernement français n'était pas compétent pour se prononcer sur la restitution de ces fonds. Donc. Et bien donc, à ce moment-là, on aurait pu se poser la question sur est-il bien convenable de garder Jean-Claude Duvalier, Michel Bennett, son épouse, et ses 2 enfants en France. Alors, comme dit Laurent Fabius, vous comprenez, on ne pouvait pas le mettre dans un avion, ouvrir la trappe et les jeter à la mer. Hein. Ouais, aussi, oui, bien alors, sûr. Il y a cet aspect-là, mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus audacieux. C'est une hypothèse que j'émets et que je dépose à la réflexion, que je propose à la réflexion. Alors, il faut remonter un petit peu dans l'histoire. L'arrière-grand-père de Jean-Claude Duvalier s'appelait Florestal Duvalier. Florestal Duvalier, lui, c'est un Français de Martinique. Il vit à Martinique. Il est originaire de la commune du Lorrain. Donc il est né français. Il est né français. Et il est français. Florestal Duvalier, à la fin du 19e siècle, il quitte la Martinique et il vient s'installer en Haïti avec son fils naturel qui s'appelle Duval. Hein. Là, il s'installe. Florestal Duvalier est tailleur. Duval Duvalier est instituteur. Et Florestal Duvalier, je ne vais pas m'étendre, a un fils avec une petite fille hein, qu'il a violée. Et ce fils, eh bien, c'est François Duvalier. Donc, qui deviendra Papadoc. Qui deviendra Papadoc. Donc, de racines françaises. De racines françaises. Voilà. Et pour ne plus être français, il faut renoncer à la nationalité française. Ouais. Ce qui n'est pas le cas. Donc, Florestal est français. Duval Duvalier, qui devient le père officiel de François Duvalier, il est français. Et Jean-Claude, alors? Alors, eh ben, Jean-Claude. Dans la filiation. La question est posée. Eh oui. Et hein, ce serait pour ça? Que la France l'aurait aussi gardé. Je pense qu'il y a eu une forte gêne. Vous voyez, il y a eu une forte gêne. Au moins ça. Hein, alors peut-être que les États-Unis ont dit, écoutez, vous allez le garder parce que finalement, il est français. C'est peut-être ça. Alors, je ne suis pas le seul à le dire. Gérald de Blancourt, qui avait fondé un comité pour juger Duvalier, Gérald de Blancourt avait dit Duvalier est français. Mais vous voyez, c'est une toute petite anecdote. Sous la présidence Borneau, pendant l'occupation américaine, le président Borneau avait décidé que dans les écoles, on ne pouvait bien enseigner l'histoire d'Haïti que si on était français. Or, il se trouve que si on était haïtien. Or, il se trouve que Duval Duvalier, il était français. Donc, on a proposé à Duval Duvalier, instituteur, de devenir haïtien. Il l'a refusé. Il a préféré rester français. Donc, vous voyez, la question n'est pas sans fondement. Certes. Quand même, on se pose une question. Il vivait où, m'avez-vous dit, sur la Côte d'Azur, au-dessus de Cannes, c'est ça? Alors, ils ont vécu au-dessus de Cannes, et puis ensuite, ils ont quitté cette ville-là, ils sont installés à Mougins. Mougins, ouais, juste au-dessus de Cannes, sur la montagne au-dessus de Cannes, à 5-6 kilomètres, pas plus. Un endroit agréable. Tout à fait. Mais enfin, les gens qui vivaient là, les Français de Mougins, de la région, ils savaient bien qui était Duvalier, donc ils se baladaient tranquillement. Ils se baladaient tranquillement, les enfants allaient à l'école à Mougins, et ils ont vécu comme ça, très heureux, jusqu'aux années 90. En 90, peut-être que Michèle Bennett, l'épouse de Duvalier, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais vous savez, les femmes auprès des Duvaliers ont une importance très très grande. Il y a eu Simone Duvalier, la mère de Jean-Claude. Son épouse, Michèle Bennett Duvalier, qui est une femme absolument redoutable. C'est elle qui a été la vraie et la grande prédatrice. Ah, hein. Puis oui, elle met la main dans la caisse tranquillement. Ah oui, complètement. Je vous coupe, pardon, parce qu'il ne reste que 7 minutes. Aïe. Ça va vite. Hein. Le 16 janvier 2011, surprise, c'est la fin de 25 ans d'exil de Jean-Claude Duvalier en France. Écoutons un extrait du journal régional Guadeloupe du 17 janvier 2011. Une nouvelle qui a fait l'effet d'une bombe, le retour en Haïti de son ex-président Jean-Claude Duvalier. Après 25 ans d'exil, hier soir, une foule de partisans était à l'aéroport Toussaint Louverture pour l'accueillir. Le récit de Marie Guyard. Jean-Claude Duvalier et sa femme, main dans la main, tentent de se frayer un chemin, mais la foule, survoltée, veut l'approcher. On peut dire là maintenant la majorité des Haïtiens, maintenant ils ont leurs yeux ouverts là. Ils peuvent voir maintenant qui était le meilleur président. Pourquoi faire peut-être lui il est là pour aider, pour nous sortir de cette situation. Parce que là maintenant vous voyez au dehors, c'est le désarroi qui est au dehors. Nous n'en pouvons plus, on a assez. Quoi qu'il arrive, vous êtes derrière lui. Jusqu'à la vie, jusqu'à la mort. Bon, c'est peut-être pas le cas de tous les Haïtiens. Qu'est-ce qui lui a pris Duvalier de repartir dans son pays, au-delà du fait qu'on a toujours envie de revenir dans son pays, c'est une inclination naturelle. Vous voyez à Jean-Claude Duvalier des motivations très nobles, mais qui ne sont pas celles qu'il avait. En fait, Jean-Claude Duvalier, il avait plus d'argent, hein, parce que Michèle Bennett est partie, ils ont divorcé, et évidemment, avant de divorcer, Michèle Bennett, elle a fait passer tous les comptes numérotés à son nom. J'imagine, ouais. Si bien que le pauvre Jean-Claude Duvalier, c'est bien le cas de le dire, s'est retrouvé tout nu. Hein. Donc, il a rencontré une accorte française, Véronique Roy, qui a pris son destin en main. Et Peut-être a-t-elle entendu parler de ces 7 millions de dollars qui étaient sous séquestre par les banques suisses et que, éventuellement, Jean-Claude Duvalier pouvait recouvrer. Alors, il y a aussi autre chose qui est arrivée entre-temps, c'est cet effroyable séisme à Port-au-Prince qui a fait, en 2010, qui a fait 230 000 morts et qui a mis le pays par terre. D'ailleurs, bon, on ne peut pas trop s'étendre sur le sujet, mais il y a une grande homothétie entre ce qui s'est passé pendant la période de Jean-Claude Duvalier, quand il y a eu cet afflux d'argent de la part des bailleurs internationaux, et finalement, cet afflux d'argent qu'il y a eu après le séisme à Port-au-Prince, l'incapacité du gouvernement haïtien de gérer, d'harmoniser un peu les interventions extérieures. Et comment ça se passe quand il arrive là-bas? Alors, vous voyez, je voudrais trouver quand même une excuse aux Haïtiens, c'est que les Haïtiens ne se sont souvenus de la période Duvalier que d'une seule chose. C'est que c'était une période d'ordre. Et en fait, après le départ de Jean-Claude Duvalier, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la succession des dictatures militaires, puis ensuite l'ineffable Jean-Bertrand Aristide, le prêtre des pauvres, etc. Donc, il y a eu une succession de gouvernements qui ont créé une instabilité croissante. Vous savez, toute cette période, Haïti, c'est le grand bond en arrière depuis des années. C'est les damnés de la terre. C'est terrible, oui, c'est terrible. Donc en fait, il faut trouver cette excuse, c'est-à-dire que quand ils pensent Duvalier, ils pensent ordre. Alors ils ne se souviennent pas de quel prix ils l'ont payé. Ouais. 30 à 50 000 morts, 60 000 disent certains. C'est abominable, sur 5 millions d'habitants. Alors on va écouter, pour finir, on va écouter ensemble une grande voix haïtienne. C'est qui à votre avis? Allez. René de Pestre, le merveilleux de René de Pestre. Poète et romancier haïtien, prix Renaudot en 88, il a connu personnellement Papadoc et il va nous expliquer ce qu'on appelle le duvaliérisme et son héritage. Il y a une grande tradition de jeu en Haïti. En fin d'après-midi, on s'assied parfois en pyjama, comme c'était le cas de Duvalier. Nous étions à deux maisons près et on jouait aux cartes. Il ne donnait pas du tout l'impression d'un dictateur ni d'un futur dictateur. Et à mon retour, ma mère m'a mis en garde en disant que dès novembre 1957, il avait assassiné beaucoup de gens. Et puis un matin, son secrétaire est arrivé en voiture chez moi. Il m'a dit que le président veut absolument, il a envie de vous revoir. Donc j'étais au palais, il m'a reçu à bras ouverts, mon petit René, il m'a pris dans ses bras et il m'a exposé son programme. Alors mes cheveux se sont dressés sur la tête parce que d'abord il m'a dit quel était ses maîtres en politique. Il disait Mustapha Kemal, Chiang Kai-shek, le général Franco. Et après, il m'a dit, en me regardant droit dans les yeux, « Mon petit René, tu sais, les meilleurs adversaires sont ceux qui sont sous la terre. » Alors, à partir de ce moment-là, j'ai compris que j'avais affaire à un despote redoutable. Vous savez, c'est comme les grands criminels, souvent, hein, quand on interroge les gens, les voisins, ils vous disent « Oh, ben non, il était gentil, sans histoire. Ben, » c'est un peu pareil pour Duvalier. Hein. Vous savez, ce qui quand même nourrit la perplexité, c'est que François Duvalier, il était diabétique, insuffisant cardiaque, malingre, tout petit. Vous savez, une chiquenaude le mettait par terre. Hein. Son talent, son génie, ça a été de faire faire tomber sur ce pays une chape de terreur et d'organiser les prédations. Et en fait, son fils est... Ah, son fils a fait la même chose. Son fils a fait exactement la même chose. Et ce sera le mot de la fin. Je suis désolé de vous couper comme ça. Je vous raconterai la mort de Jean-Claude Duvalier la prochaine fois. Tué par une veuve noire. Oh, on va demander 5 minutes de plus. Mais c'est pas possible. Merci infiniment, Catherine et Rupert. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui à Haïti, les Duvaliers, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.